إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله اتقوا الله واشكروا نعمة الله عليكم بهؤلاء الأولاد الذين جعلهم الله فتنة لكم، فإما قرة عين في الدنيا والآخرة، وإما حسرة وندم ونكاد. ألا وإن من شكر نعمة الله عليكم فيهم أن تقوموا بما أوجب الله عليكم في رعايتهم وتأديبهم بأحسن الأخلاق والأعمال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، قوا أهليكم النار بفتح أبواب الخير لهم وتوجيههم إليها وتشجيعهم عليها، بيّنوا لهم الحق ومنافعه، مروهم به، وبيّنوا لهم الباطل ومضاره، وحذّروهم عنه، فإنكم رعاة عليهم، وكل راع مسؤول عن رعيته، فمن قام بحسن رعايته فيهم أفلح ونجا، ومن فرط في رعايته فيهم خسر وهلك. عرفوهم بأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ألزموهم بأركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واعتبروا في ذلك بالتقويم الهجري وليس بالتقويم النصراني. وعلموهم كيف يتطهرون وكيف يصلون، وماذا يقولون في صلاتهم، وماذا يفعلون، وماذا يجتنبون ويتركون من المحرمات ومن الأمور المخالفة لهذا الدين. اغرسوا في قلوبهم محبة الله وتعظيمه، وبينوا نعم الله الظاهرة والباطنة العامة والخاصة، لترسخ في قلوبهم محبة الله وذكر آلائه ونعمه. اغرسوا في قلوبهم كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا ما حصل على يديه من الخير العظيم لأمته، وأنه صلى الله عليه وسلم الإمام المطاع الذي يجب تقديم محبته وأمره على جميع المخلوقين. بينوا لهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه الكريمة وما قاموا به من العبادات الجليلة والأعمال العظيمة التي نصر الله بهم الإسلام وأقام بهم الدين، فإنهم هم العظماء النبلاء الذين حازوا قصب السبق في أعمال الدنيا والآخرة وقادوا الناس إلى الخير فانقادوا إلى ذلك برغبة صادقة. ولما نظر الناس إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعمالهم عرفوا أنهم على الحق وأن طريقتهم هي الطريقة المثلى التي يقوم عليها أمر الآخرة والدنيا، فدخلوا في دين الله أفواجا من غير إكراه. علموا أولادكم الصدق بالقول والفعل، فإذا حدثتموهم فلا تكذبوا عليهم، وإذا وعدتموهم فلا تخلفوا وعدكم. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعته فهي كذبة، أخرجه أحمد. وإن أولادكم إذا رأوكم تكذبون هان عليهم الكذب، وإذا رأوكم تخلفون الموعد هان عليهم الإخلاف. عودوهم الإحسان للخلق وفعل المروءة، وحذروهم من الاعتداء والظلم. اغرسوا في قلوبهم محبة المؤمنين، وبينوا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة ليشبوا على الألفة والمحبة والاتحاد. ومن كان من أولادكم يستطيع القراءة فحثوهم على قراءة الكتب النافعة مثل كتب التفسير القيمة السالمة من تحريف المعاني القرآن، ومثل كتب الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤلفات شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ومثل كتب التاريخ الصحيحة البعيدة عن الأهواء، وخصوصا تاريخ صدر الإسلام، لأن قراءة تاريخ ذلك العصر يزيد القارئ علما بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومحبة لهم وفقها في الدين وأسرار أحكامه وتشريعاته. وحذروهم من قراءة الكتب الضارة التي تخل بعقيدة الإنسان أو عبادته أو أخلاقه، من قراءة الصحف والمجلات والقراءة في المواقع الخبيثة في الإنترنت التي تتضمن الشك والتشكيك وإثارة الفتن، أو تبحث في أمر من أمور الدين على وجه الخطأ، فإن قراءة مثل هذه الأمور الضارة تؤثر في عقيدة قارئها واتجائه، إلا من شاء الله ممن وهبهم الله علما وإيمانا وتمييزا بين الحق والباطل والضار والنافع. عباد الله، إن مسؤوليتنا كبيرة أمام الله في أولادنا وأهلنا ذكورا وإناثا، فهم أمانة من الله سبحانه وتعالى في أعناقنا. فنسأل الله الذي حملنا إياها أن يعيننا وأن يوفقنا للصلاح والإصلاح، فإن الفرد لو أصلح نفسه وأهله لصلحت الأمة، لأن الأمة أفرادها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدموا بارك الله فيكم. Rapprochez-vous vers l'avant et essayez de vous serrer les uns à côté des autres. Faites de l'espace pour vos frères. Jazakumullahu khairan. Qu'Allah vous donne une place vaste et confortable dans son paradis au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah, craignez Allah, préservez-vous d'Allah. Et sachez que vous devez être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Et parmi ces grâces, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné des enfants. Et ces enfants sont une épreuve pour vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous teste par ces enfants-là dans leur éducation. Et ils peuvent être pour vous une source de réjouissance au jour de la résurrection et dans cette vie d'ici-bas, comme ils peuvent également être une source de remords et de regrets si vous n'avez pas fait leur éducation de la manière correcte et que vous ne les avez pas orientés vers la meilleure voie. Et parmi les exemples pour lesquels le serviteur d'Allah doit être reconnaissant envers les grâces d'Allah, il y a le fait que il doit établir par rapport à ses enfants ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'établir par rapport à l'éducation de ces enfants-là et de s'en occuper d'une manière qui est correcte et de les éduquer sur le bon comportement et sur les bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, sauvez vous-même ou préservez-vous vous-même ainsi que vos familles du feu de l'enfer dont le combustible sera les hommes et les pierres. » Et donc préservez vos familles du feu de l'enfer en leur ouvrant les portes du bien et en les encourageant vers le bien, en leur clarifiant la vérité et en leur clarifiant également le faux pour qu'ils puissent s'en préserver et être avertis. Et vous êtes les bergers par rapport à vos enfants et vos enfants sont comme un troupeau pour vous. Et celui qui s'est bien occupé de ses enfants, il aura le succès. Tandis que celui qui a eu des manquements dans leur éducation, eh bien, il peut, à cause de cela, être dans la perdition. Et enseignez-leur les fondements de la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination. Et imposez-leur d'établir les piliers de l'islam, le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'établir la salat, de donner la zakat, de faire le jeûne du ramadan et de faire le hajj. Ordonnez-leur d'établir la salat à partir de 7 ans et punissez-les s'ils refusent de la faire à partir de l'âge de 10 ans. Et par rapport à l'âge, il faut considérer le calendrier musulman et non le calendrier chrétien. Parce que le calendrier musulman et le calendrier chrétien, si vous calculez votre âge, vous allez voir qu'il y a une grande différence entre les deux. Et juste par exemple, moi j'ai 2 ans de différence. Si je calcule mon âge dans le calendrier chrétien et dans le calendrier musulman, j'ai 2 ans de plus dans le calendrier musulman que dans le calendrier chrétien. Donc il faut tenir compte du calendrier musulman et non pas du calendrier chrétien pour calculer les âges. Également, il faut leur apprendre de faire et de dire ce qui est bien, d'apprendre comment se purifier, comment prier, comment établir la salat. Il faut également leur apprendre ce qui est halal et ce qui est haram, et les avertir de délaisser tout ce qui est mauvais, et surtout à notre époque, de ce qu'il y a rapport avec la musique, avec les vidéos, avec les modes, les vêtements et les influences et tout ce qu'il peut y avoir également comme égarement, que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les vidéos sur Internet. Il y en a beaucoup d'entre les enfants aujourd'hui qui suivent des chaînes sur YouTube ou bien dans d'autres sites Internet et qui se laissent influencer par des idéologies ou des principes qui sont contraires à la foi et contraires à l'islam sur Internet. Surveillez ce que vos enfants écoutent. Regardez ce que vos enfants font sur Internet. Regardez ce que vos enfants font dans leur téléphone portable, dans leur téléphone intelligent. Surveillez qui sont leurs fréquentations, qui sont leurs amis. Surveillez et contactez les parents de leurs amis pour savoir qui sont ces parents. Est-ce que ce sont des gens qui sont sur la droiture et sur la guidance, ou bien ce sont des parents qui sont négligents et qui laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent? Protégez vos enfants de toutes les sources d'influence qui pourraient les égarer et les amener en dehors du droit chemin. Faites attention également, surtout si vous envoyez vos enfants dans des écoles publiques. Et ne faites pas confiance à 100% à tout ce qui est enseigné dans ces centres d'éducation ou bien dans ces écoles. La plupart de ces programmes d'éducation qui sont offerts aujourd'hui sont établis par des gens qui ne connaissent pas Allah et qui connaissent pas son messager et qui connaissent pas la religion d'Allah et qui ne savent pas non plus pourquoi ils ont été créés et qu'est-ce qu'il y a après la mort, une résurrection et un jugement. Et également les enseignants dans ces centres et dans ces écoles qui, pour la plupart, ne croient pas en Allah, ne croient pas en son messager et n'enseignent aux enfants que selon ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Et comme on dit en arabe, faqid shay la yu'ti, celui qui lui-même ne possède pas quelque chose ne peut pas le donner. Et si quelqu'un ne possède pas la guidance, il ne peut pas guider. S'il ne connaît pas la vérité, il ne peut pas l'enseigner. Et donc dites-vous que vos enfants sont entre leurs mains. Et donc il ne faut pas les laisser justement à la dérive avec ces gens dans cette voie d'égarement sur laquelle ils sont. Mais vous devez surveiller leur enseignement et leurs éducations et essayer de les préserver et de les protéger dans leurs croyances et dans leurs pratiques et dans leur façon de vivre. Et également, essayer de leur inculquer le respect d'Allah et l'amour d'Allah et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam et l'amour de sa sunna. Faites-leur comprendre et apprendre l'importance de la science, l'importance de la connaissance du Coran, l'importance de la connaissance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de lire les livres de la religion et l'apprentissage de l'islam. Et faites-leur avoir encore plus de respect pour ces sciences-là que toute autre science. Faites-leur comprendre que c'est ça qui est la source de leur bienfait, de leur bonheur, de leur salut dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre. Et s'ils sont éduqués de cette manière, inshallah, ils seront pour vous, ces enfants, une sadaqa jariya. Et après votre mort, ils feront des invocations pour vous et demanderont pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Et pensez à ça. Et ça, c'est un rappel pour nous tous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم